France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 157. Bienvenue à toi. Dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 5 avril 2009, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Avant tout ce matin, dans Panique au Mangin Palace, tu es fichtrement impressionné par cette interview en béton armé sur une radio privée mercredi dernier. Monsieur le Président, est-ce que c'est pas un peu du vent, ces menaces ? Évidemment que vous allez rester au sommet du G20, non ? Quoi ? Alors, deuxième question. Vous dites que vous allez sauver Caterpillar. Comme vous avez sauvé Gandrange, qui a fermé hier ? Non, mais qu'est-ce qui te prend, Jean-Pierre ? Poisson d'avril, Nicolas ! Acheté bien nu, tu as cru, hein ? Oui, enfin, recommence pas, j'étais à deux doigts de te faire virer quand même. Oui, tu l'as bien compris, l'ami, ce matin, tu redécouvres ici les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose durant 53 minutes d'organiser un beau barnum burlesque autour des actualités manipulées par le prince du monde. Alors communions ensemble, chers amis, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du jodassaint esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux panorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office laïque et freudien, durant lequel ce matin, nous t'offrirons une jolie salade de fruits composée de bananes, de cerises et d'ananas. Dans la foulée, nous traverserons la Manche direction Londres pour te dévoiler les coulisses de ce fantastique festival de Woodstock Options qui a réuni à Londres jeudi dernier toutes les rockstars de la planète. Ensuite, figure-toi que mardi dernier, notre tour Eiffel nationale a célébré son 120e anniversaire et qu'à cette occasion, elle a traversé la Seine pour rendre visite à nos joyeux fantômes radiophoniques, une curieuse rencontre que nous ausculterons ici avec délectation. Immédiatement après, direction Gros Boule-les-Bains où nous découvrirons comment les tests d'évaluation du ministre Xavier Darcos sont venus bousculer le quotidien villageois de Monique et Jean-Claude. Et puis, comme d'habitude, nous enchaînerons par les tribulations de notre facétieux reporter qui a tenté cette semaine d'y voir un peu plus clair parmi les têtes de gondole du G20. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvre ses portes pour une authentique mais curieuse revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien, et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et autant, suspends ton vol. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I won't ever slack up, punk you better back up. Try and play the role and you're the whole crew will act up. Get up, stand up, come on, throw your hands up. If you got the feeling, jump up towards the ceiling. Monsters of funk flow, someone's fucking jump. I'll bust them in the eye, and then I'll take the punks out. Feeling funky, amps in a chunk, and I got more rhymes than this cops at a Dunkin' Donut shop. Sure enough, I got props from the kids on the hill with my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get down to your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up, jump up and get down. Jump. yet a Terminator, like Arnold Schwarzenegger, trying to play me out like as if my name was Sega. But I ain't going out like no punk, bitch. Get used to one style, yo, when I might switch it up, up and around, then buck, buck, get down, put out your head, and then you wake up in the dawn of the dead. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya, spitting out lyrics, homie, I'll wet ya. I came to get down, I came to get down, so get out your seat and jump around, jump around. Jump Around, ce sont les rappeurs américano-irlandais de House of Pain qui te proposaient en 1992 de sauter partout. Tandis que chez nous, c'est le sauteur Romain Ménil qui peine à trouver une maison pour le sponsoriser. Voici le kangourou, redoutable boxeur et champion du saut à la perche. Kangourou premier, c'est moi. Quand de l'Australie tu quitteras la brousse, nos sportifs, près de toi, sembleront des fantoches. Kangourou, tu les mettras tous dans ta poche. Hé, kangourou premier, c'est moi, toi, assis. Ici, ici, notre ami le kangourou. Alors, il est temps maintenant, mon ami, de te vautrer confortablement sur ton canapé ou sur ce que tu veux, afin que nous entamions ensemble les modestes aventures laïques de ce 157e épisode du Mangin Palace, car, bien entendu, à 11h11, c'est le moment de notre petite messe freudienne, puisqu'inlassablement, avec Monsieur Divan Beaujolais, le fieffé sacripant de nos coursives, nous traquons chaque semaine l'inconscient du discours politico-médiatique. Ainsi, découvrons ensemble ce matin la salade de fruits jolie, jolie, jolie, composée entre autres de bananes joyeuses, de cerises hivernales et d'ananas mignons. Allez, en route maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Nous recevons ce soir Dominique de Villepin, ancien Premier ministre. Donc vous vous en tenez à la version « on se souvient plus de rien ». Bonsoir et bienvenue parmi nous. Notre sujet à nous, c'est que le président de la République, Zoltan, l'institution qu'il représente, soit capable de faire preuve, non pas de banane, mais de vision, d'anticipation, de sagesse. Ça, ce sont les vertus du président de la République. On n'attend pas d'un président qu'il soit survitaminé. On attend d'un président qu'il soit sage. T'as entendu ? Le rythme, la syntaxe des périodes, boum ! L'invité de France Inter est ce matin ancien Premier ministre et maire UMP de Bordeaux. Bonjour Alain Juppé. Bonjour Nicolas Demorand. Vous publiez « Je ne mangerai plus de cerises en hiver ». Je pourrais peut-être te faire embaucher à l'Union Fruitière. J'ai un bon copain à l'Union Fruitière. Il faut que nous inventions un nouveau modèle de développement. Ce que vous avez raconté tout à l'heure sur les ananas, ce n'est pas simplement anecdotique. Tu commencerais par les fraises. Donc il faut changer profondément. Il faut changer nos méthodes de culture. Il faut changer nos méthodes de production. Il faut changer nos méthodes de consommation. Et tu pourrais peut-être faire ton chemin jusqu'à ces Et nom de Dieu de banane! C'était cet après-midi à Matignon, François Fillon qui est monté au front contre les grands patrons en défendant mordicus son décret dont il sait qu'il va être critiqué. Nous sommes entre gens d'esprit, oh, dites. Ah si, vous nous avez beaucoup divertis, mes camarades et moi-même. La question n'est pas de savoir si ce décret est en deçà de la majorité des attentes. Ça serait la solution de facilité, c'est pourquoi je ne m'y attarde pas. La question est de savoir si ce décret permet de mettre un terme immédiatement aux abus insupportables auxquels nous avons assisté depuis quelques semaines. Ah, l'astucieuse parade, mais vaine, terriblement vaine. Et un grand bonjour à Frédéric Pommier. Un grand bonjour à tous. Un sommet historique, Obama débarque, Sarkozy se braque. Ce qui ne fait qu'exacerber les choses. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il menace de claquer la porte du G20, des menaces qui suscitent ce matin l'ironie de certains éditorialistes. Non, qu'est-ce qu'exacerber veut dire ? Ça veut dire aggraver les choses. Ah d'accord. Quant à Maurice Ulrich dans l'Humanité, il juge que quoi qu'il en dise, il ne faudra pas compter sur Nicolas Sarkozy et sur ses moulinets. Alors on va. Il y a la Tour de Londres, il y a Buckingham Palace. À Londres, le sommet des 20 premières économies mondiales ne s'ouvrira que demain. Quant à la recherche d'un accord, eh bien ce n'est pas encore gagné. On n'y arrive jamais, ça. Du coup, on sera vite rentré chez Mémé. Disait cet après-midi le Premier ministre britannique Gordon Brown. Laissez-moi ajouter que je suis sûr que le président Sarkozy ne sera pas là seulement pour le plat d'entrée du dîner, mais qu'il sera là encore à la fin du dîner de ce soir. J'ai l'honneur et l'avantage d'annoncer la venue de notre sage et omnipotent leader, Zoltan. écoutez, se mettre d'accord avec les Américains et les Anglais sur un système international de rémunération des traders, sur une rémunération raisonnable, si ce n'est pas la refondation, la moralisation du capitalisme, qu'est-ce que c'est? On y est en plein. Ils ont ricané quand on a dit que les extraterrestres existaient. Mais qui ricane maintenant, hein? Enfin, c'est nous, Zazel. La moralisation du capitalisme. Ouf! Là, d'un coup, on est complètement rassuré. Ainsi donc, le G20, ce grand barnum des puissants qui s'est tenu à Londres cette semaine, marquerait la mise en place d'un nouvel ordre économique mondial. Ben tiens, bien sûr. Cependant, il faut avouer que cette petite escapade londonienne a été éprouvante pour notre président qui pourtant s'y était préparé vaillamment et tout ça sur les conseils de Claude Guéant, très remonté contre Barack Obama. Il t'a volé ta vie, il t'a volé ta gloire. En l'honneur de tous tes fans, je t'ordonne de lui rentrer dedans. Rentre-lui dedans. C'est bon. Oui. Oh putain, j'en peux plus, je suis mort. Jésus aussi était mort. Mais si tu crois qu'il a ressuscité, en deux coups de cuillère à peau, tu te mets le doigt dans l'œil. Comment tu fais pour avoir autant la pêche? Là, je pense à Rocky. Rocky Balboa, c'est dans le film Rocky quand Rocky s'entraîne, il y a la musique et tout. Oh, cette séquence, putain, ça te donne de la pêche, ça passe tard, c'est bon, vas-y. Bah oui, je suis là. Eh ben, le G20 s'annonçait aussi truculent qu'un combat de boxe et le Excel Center allait se transformer en stade du 20 mai à Kinshasa, aujourd'hui stade Tata Raphaël, ou en 1974, Mohamed Ali a affronté George Foreman dans un combat de légende. Et cette semaine, le monde entier attendait, terrifié, la rencontre Nicolas Sarkozy versus Barack Obama. Mais au final, notre président s'est montré bien plus grognon que donneur de nion. Bah oui, je suis là. Ah, j'aurais jamais dû venir, ils m'emmerdent tous ces gens, je prends bien là. Regardez tous en train de minauder devant leur nouveau maître. Je voulais vous dire que je suis très heureux de vous compter parmi nos collaborateurs. J'ai beaucoup d'estime pour vous. C'est parce que vous ne me connaissez pas. En tout cas, je tiens à vous rassurer si toutefois vous étiez inquiet. La liberté que vous aviez jusqu'à maintenant ne sera absolument pas remise en cause. Bien au contraire. Votre indépendance que j'achète. Ça me rassure énormément. Excusez-moi. Tu lui as parlé durement au nouveau maître. Bon, ils s'en foutent, ils n'entendent rien ce mec-là. Oh, j'ai faim de toi. C'est le beau forum économique où, pour la première fois, notre président a rencontré celui qui lui a volé la vedette, le président des States, Barack Obama, aux grandes dames de Nicolas, et ça s'est vu. Jalousie, tu viens ramper autour de moi comme un serpent perfide et froid. Jalousie, tu rives dans ta chaîne, mon cœur glacé d'effroi. Jalousie, tu viens salir de ton vol la blanche trame du destin. Jalousie, tu fais surgir la haine dans l'ombre du chemin. Non, on ne peut pas dire qu'il y ait eu de la haine entre le président des Français et celui des ricains. Les déclarations finales montrent une entente parfaite et la même vision du monde. Bon, il faut dire qu'entre les deux hommes, dans les coulisses de l'Excel Center, le débat a toujours été très élevé sur les questions de fond. Fais bien attention. Mais c'est pas ma faute. Ouais, c'est ça que tu dis. Ah, qu'est-ce que j'y peux? Je suis plus grand que toi, il n'y a rien à faire. C'est toujours ce qu'il raconte. Hein. Je te garde bien à l'œil. J'y peux strictement rien d'être plus grand que toi, voyons. Non, n'insiste pas, compris. J'ai bien envie de te corriger, c'est... Et si vous voulez vous battre, je tiendrai vos vestes. C'est à cause de lui. Non, c'est à cause de toi. Et voilà, ce que Nicolas Sarkozy appréhendait le plus est arrivé. Personne ne l'a vu. Et il a eu beau s'agiter, menacer de quitter le sommet, rien n'y a fait. Les autres chefs d'État ou de gouvernement, ainsi que les médias, n'avaient d'yeux que pour Barack Obama. Mais Nicolas n'a pas eu le temps de s'apitoyer sur son sort. Et c'est avec la banane qu'il est revenu en France pour préparer le sommet de l'OTAN à Strasbourg. Il y a des flat cases qui traînent sur scène et on démonte les projecteurs. Quand sa vie n'est plus mise en scène, ça lui fait peur. Tous ces nouveaux nos amis qu'il aime seront partis dans la semaine. Dans sa loge, des photos, des fleurs, une certaine image du bonheur. Il fait le vide dans sa tête, il fait le vide dans son cœur. Non, notre président n'est pas abandonné. Il a Carla à ses côtés qui, voyant la mine défaite de son Nicolas, a cherché à savoir si tout allait bien. Mais moi, j'avais envie de savoir, qu'est-ce qui t'a le plus manqué durant cette petite absence ? La scène, le contact avec les gens, les concerts. Mais bon, j'ai compensé par des à dose homéopathique. J'ai fait quelques prestations avec mes copains. Ouais, c'était un beau moment. Je suis quelqu'un d'assez fidèle en amitié, de très touchant. Très cher, un petit jus d'orange peut-être. À mon avis, un jus d'orange serait très bien, oui. Donc, un premier single, Je te mentirai. Soyez tous devant vos disquaires et faites la queue. Eh bien, merci monsieur. Merci madame. D'être passé, c'était un délice. Je te mentirai, drôle de titre pour le premier single de Nicolas. Il aurait pu l'appeler « Mes promesses électorales » ou encore « Je suis le président du pouvoir d'achat, mais certainement pas, je te mentirai !» Merde. Quoi qu'il en soit, Nicolas et Carla se sont rendus fissa à Strasbourg afin de préparer au mieux la venue de tous leurs potes de Londres pour le sommet de l'OTAN. Et ni Nicolas ni Carla ne se sont inquiétés de la présence massive d'opposants à l'OTAN sur les bords du Rhin. Ici, il y a trop de babas, il n'y a pas assez de rockers. On va essayer de les faire bouger quand même. On espère que le public rock va venir nous voir. Hard rock ? Mais je sais bien, mais complètement fermé à tout ce qui est autre chose que hard rock. C'était absolument incroyable. Je veux dire, ils ont joué, ils ont fait un concert absolument fabuleux ce soir-là et les gens étaient là, ils ne bougeaient pas. Et on leur a dit que vraiment qu'ils étaient nuls, que c'était un public de merde et qu'ils se bougent pour qu'ils se lèvent. Moi, je pensais qu'ils allaient me balancer une bouteille de bière, je me préparais à plonger derrière la batterie et tout. Et ben rien du tout, ils ont applaudi les mecs quand je leur ai dit ça. Oui, eh bien, il ne faut pas trop les chauffer, les opposants au sommet de l'OTAN. Mais Nicolas, ce qu'il craignait vraiment à Strasbourg, c'était d'être une fois encore totalement éclipsé par Barack Obama. Et forcément, ça n'a pas loupé. Époustouflant. Superbe. On n'a plus de voix, c'était vraiment génial. C'était grandiose, ça me rappelle James Brown. Jeu de lumière et musique extraordinaire. C'était superbe, c'était magnifique, c'était grand. C'est un génie ce mec. Ahurissant, mise en scène d'enfer. Il était exceptionnel son spectacle, elle est exceptionnelle. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Que cosa vuoi ancora ? Que cosa vuoi di più ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Que cosa posso dare ? Que cosa inventare ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Que cosa vuoi di più ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Che cosa vuoi di più? Oh, oh, oh, oh. causa. C'est l'explication que recherche Manu Chao sur son album intitulé Radio Lina. Eh bien justement, prêtons-lui main forte et ouvrons dès à présent notre curieuse rubrique consacrée à la radio de Lina. Inter, actualité. En effet, après avoir farfouillé dans les coulisses de ce formidable festival de Woodstock Option, la panique au Mangin Palace ouvre sans plus attendre à 11h26 sa singulière séquence consacrée aux actualités du lointain. Avant tout, sache que mardi dernier, le 31 mars, notre Tour Eiffel nationale célébrait son 120e anniversaire. Nous étions au printemps 1889, souviens-toi, le général Boulanger prenait la fuite pour la Belgique, les organisations syndicales choisissaient le 1er mai comme symbole de la lutte des travailleurs, les ailes du Moulin Rouge tournaient pour la première fois, tandis que la ville de Paris accueillait l'exposition universelle toute fière avec sa tour métallique. Depuis son inauguration, cette dame de fer a vu passer plus de 236 millions de visiteurs et la tour Eiffel est ainsi devenue l'incarnation de l'élégance française. Mais voilà Tipa, que mardi soir, elle a quitté son champ de Mars pour se pointer en voisine, dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Alors, écoutons attentivement l'étonnant récit de notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives. Tends bien l'oreille et découvre la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, on était très encombrés. Mardi soir, à l'occasion de ses 120 ans, la Tour Eiffel s'est invitée chez nous, en souvenir du bon vieux temps. Nous avons le plaisir ce soir de recevoir une célèbre parisienne, la plus célèbre de toutes que vous ne pouvez pas ne pas reconnaître, la Tour Eiffel. 5, 4, 3, 2, 1, 0, bouchez-vous les oreilles. Une fois installée, la Tour Eiffel a reçu son premier cadeau. Un message de Gustave, son père. Vous allez en entendre maintenant. N'oubliez pas qu'il s'agit de documents très anciens, de documents qui datent exactement de février 1891. Voici d'abord Monsieur Eiffel, le constructeur de la tour, qui lui dit « Tu vas avoir à répéter les paroles que vont prononcer les charmantes personnes qui sont autour de moi et tu leur diras aussi de ne pas oublier de revenir prendre une tasse de thé chez moi dans quelques jours, exactement le 9 février prochain. » Le 9 février pour prendre une tasse de thé et qu'elles auraient tout à fait tort d'y manquer. Tu répéteras bien cela, n'est-ce pas? D'autant plus que ces paroles enregistrées nous serviront de souvenir pour la soirée d'aujourd'hui. Puis le poète Léon-Paul Fargue lui adressa un charmant compliment. La tour Eiffel ressemble à Nicolas avec ses quatre grosses pattes et sa tête minuscule au bout d'un long cou. Et je m'attends à tout moment à voir la tour Eiffel tomber son immense encolure pour aller s'abreuver dans la Seine. Et je dois dire que je ne regarde pas la tour Eiffel sans quelque inquiétude. La tour Eiffel était ravie, jusqu'à ce que surgisse un groupe de troubles fêtes. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, architectes, amateurs passionnés de la beauté jusqu'ici intacte de Paris, protester de toutes nos forces, de toute notre indignation contre l'érection. Vous avez des problèmes d'érection ? En plein cœur de notre capitale. Non ? Même pas des pannes de temps en temps. De l'inutile et monstrueuse tour Eiffel, l'odieuse colonne de tôle boulonnée. Comment ? Ah oui, vous, c'est différent. Ça va passer, vous êtes stressé. Que la malignité publique, souvent empreinte de bon sens et d'esprit de justice, a déjà baptisé du nom de tour de Babel. Si vos troubles de l'érection durent depuis plus de 3 mois, parlez-en à votre médecin. Vous y allez ? Promis ? Habituée aux critiques, la tour Eiffel ne s'était pas laissée démonter. Et ses amoureux en étaient tout émoustillés. C'était le bon temps quand je travaillais à la construction de la tour Eiffel. Nous étions des héros. Nous ne nous sentions plus des ouvriers mécaniciens, mais bel et bien des pionniers, des explorateurs. Peu à peu, nous prenions conscience que la construction de la tour Eiffel ne serait jamais terminée. La construction ne cesserait jamais. Et jusqu'à la fin des temps, la tour Eiffel continuerait à grimper en direction du ciel, dépassant les nuages, les tempêtes. Nous continuerions à boulonner les poutres d'acier, l'une sur l'autre, toujours plus haut. Et après nous, nos fils continueraient. Et personne dans cette ville toute plate de Paris n'en saurait rien. On lit dans les guides que la tour Eiffel mesure 300 mètres de haut. 300 mètres. Tu parles. Tour Eiffel, grandis, monte encore dans la lumière et dans l'aurore, dans les éthers silencieux. C'est drôle, hein, comme idée. Puis ça continue, c'est ça qui est comique. Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette parenthèse poético-burlesque au cœur de l'inattendu qui nous révèle que la tour de Gustave est en réalité une grande Eiffel en direction du ciel. Cela dit, déjà d'autres cieux nous attendent puisqu'il est l'heure de notre décrochage régional. Voici donc nos actualités locales, direction Grosboul-les-Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Mangin Palace à 11h31, rejoignons notre petit bourg plein de strass, notre Strasbourg, où nous attendent une Monique au sommet tout autant que le Jean-Claude. Avant tout, sache que lundi dernier, nos deux héros ont été réellement surpris par l'annonce des résultats de ces toutes nouvelles évaluations des élèves de CM2. Surpris en effet, car ni l'un ni l'autre n'étaient au courant de ces tests nationaux mis en place par Xavier Darcos. D'ailleurs, aucun môme de Grosboul-les-Bains ne les a passés, puisque notre petit village fleuri a tout simplement été oublié par le recteur d'académie. C'est pourquoi, dès mardi matin, Elsa, la fille de Monique et Jean-Claude, a décidé d'envoyer un mail au ministre de l'Éducation nationale pour lui faire part de son désarroi. Nous vivons dans une ville d'incultes, d'ignares et de primitifs. On a 7 centres commerciaux et pas d'orchestre symphonique, 32 bars, mais pas un seul théâtre, 13 magasins dont le nom commence par sexe. Je n'écris pas cette lettre pour me lamenter, mais pour nous secouer. Nous pouvons tous nous améliorer. Enfin, presque tous. Oui, bon, en pleine préparation de son poisson d'avril, mardi matin, Jean-Claude arpentait son salon déguisé en facochère. Enfin bref, toujours est-il que le mail d'Elsa n'est pas resté lettre morte, puisque dès mercredi, l'inspecteur d'académie s'est pointé à Grosboul-les-Bains pour faire passer des tests à tous les gamins. C'est ainsi que Rémi, accompagné par son père, a dû répondre à quelques questions pour vérifier l'état de ses connaissances et de son fonctionnement cérébral. Donne-moi autant d'animaux que tu peux, commençant par la lettre B, vas-y. Bébé éléphant. Bébé éléphant, c'est une excellente réponse. Bébé baleine convenait aussi. Vous en concluez quoi ? Votre fils ne gagnera jamais un jeu télévisé. Traduction, pour l'inspecteur, Rémi est un débile profond. Oui, sauf que le gamin a immédiatement saisi la réalité de ses tests, celle d'inculquer au môme la culture du résultat. Du coup, Rémi a feinté l'idiotie, bien sûr. Néanmoins, humilié par de tels propos à l'égard de son fils, immédiatement, Jean-Claude a fait remarquer à l'inspecteur qu'à son époque, les tests étaient beaucoup plus fins et beaucoup plus utiles. Élève la bêlure. Vous êtes premier en histoire de France. Eh bien, parlez-moi de Vercingétorix. Quelle fut sa vie, sa mort, sa naissance? Répondez-moi bien et vous aurez 10. Monsieur l'inspecteur, je sais tout ça par cœur. Vercingétorix, né sous Louis-Philippe, battit les Chinois un soir à Roncevaux. C'est lui qui lança la mode des slips et pour sa mourue sur un échafaud. Le sujet est neuf, bravo, vous aurez 9. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. Au lycée de papa, au lycée de papille, au lycée de papillon. Cela dit, de retour à la maison, Jean-Claude a informé Monique des résultats catastrophiques de Rémi à ses fameux tests. Inquiète tout de même, Monique a aussitôt voulu vérifier l'état du niveau des connaissances de Rémi, notamment en calcul mental. 2 fois 6, 12 et 4... Je sais pas où j'en suis. Non plus, j'ai perdu le fil. Et puis là, il y a une erreur. Ah oui, parce que c'est pas décalé. C'est pas décalé, t'as oublié cette bête-là. Oui, mais... Elle doit être ici, là, cette bête. Là. Là ? Oui. Ouais, ouais, ouais. Hein, c'est un 4, ça ? Bah oui. Là, le 4 ici. Le 3 ici. Le 4 ici. Et le 8 ici. 2 fois 9, 18, voilà. 2 fois 2 fois 2 fois 6, 12 et 4. Qu'est-ce que tu me dis ? 2 fois 9, 18, t'as 1 de retenue. Tu poses 8 et tu retiens 1. Aïe. 2 fois 6, 12 et 1, 13. Je mets 3 et je retiens 1. Ok, ça roule. Allez. Non, ça roule pas, non. C'est impossible, c'est faux. Ouais, c'est faux. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux chiffres de décalé. Deux chiffres impossible. De décalé sur l'envers. Et alors ? Eh bien, c'est bien normal. Non. Ça va pas aller. Bon, visiblement, ce sont tous les gros boulets qui auraient dû se soumettre à ces tests d'évaluation. Eh bien, figure-toi que jeudi matin, après la visite de l'inspecteur d'académie, Grosboule fut pris d'une frénésie de tests. Et notamment le patron du Jean-Claude, qui voulait lui aussi stimuler la culture du résultat chez ses salariés. Ainsi, Jean-Claude fut opposé à Jean-Christian, l'expert comptable. On met bien les mains sur les champignons. Top, je suis un objet de bureau, je sers à agrafer des feuilles, je suis... Allons messieurs, c'est du bon sens, qui suis-je ? Oui Jean-Christian, vous avez la main. Alors il s'agit d'Edouard Balladur. Non Jean-Christian, je suis un objet, réfléchissez enfin. Non parce que j'aimerais bien être Edouard Balladur dans la vie alors je oui mais c'est pas ça, ça n'a rien à voir, oui. Je m'excuse d'insister mais je trouve qu'Edouard Balladur est tout putain, à fait putain, Jean-Christian, vous nous lâchez avec Edouard Balladur maintenant, hein. Et on arrête l'anti-jeu. Allez, on se concentre, je suis qui ? Je veux une réponse maintenant, allez. Bon, de toute façon on n'a plus le temps, c'est fini. J'étais une agrafeuse, c'est con. Bon, c'est la fin, quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Bon, vous faites chier. Décidément, soit Grosboule est un village de déficients mentaux, soit personne n'accepte ici d'endosser ce lourd manteau de la concurrence avec autrui. Par ailleurs, le soir même, Monique et Jean-Claude avaient un rendez-vous avec leur banquière, qui elle aussi, vois-tu, avait décidé bien sûr, eh ben, de leur faire passer un test avant de leur accorder une nouvelle autorisation de découvert. C'est votre premier test grandeur nature. Quel gâteau au chocolat fourré à la crème et garni de cerises évoque une région d'Allemagne ? Kougloff ? La forêt noire. En cas de succès à cette épreuve, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Avec combien de pays le Japon a-t-il une frontière terrestre ? 5. Aucun. Le Japon est une île. À quel animal dont le nom commence par P fait-on référence quand on évoque des yeux porcins ? La panthère ? En cas d'échec. Quel prénom masculin désigne aussi un maillot de corps ? Raymond, Marcel ou René ? Il s'agira de ne pas vous laisser décourager. Là encore, Monique et Jean-Claude ont choisi de jouer volontairement les demeurés, bien sûr. Et décourager notre Jean-Claude ? Non. Mais sacrément excédé par cette nouvelle passion lancée par Xavier Darcos de faire passer des tests à la noix à tout le monde. Du coup, jeudi soir, Jean-Claude a décidé d'appeler le directeur de cabinet du ministre afin de clarifier cette situation. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Xavier Darcos souhaite limiter les redoublements. Il a dit ça. Il a dit ça, mais je suis d'accord avec lui. Juste, il faut que le président montre l'exemple. Mais... il ne faut pas redoubler en 2012, même s'il a mal travaillé. Ah non, tout ça, c'est de la bouffonnerie. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, le ministère de l'Éducation nationale est un peu sur les dents et qu'ils n'ont pas franchement apprécié l'esprit potache du Jean-Claude. Qu'à cela ne tienne. Car pour Jean-Claude, le meilleur moyen de lutter contre la mode des tests d'évaluation, c'est d'en inventer d'autres, d'un genre nouveau. Pour finir, c'est d'ailleurs ce qu'il a proposé vendredi matin à tous ses collègues de bureau. Qu'est-ce qui brille au fond du slip ? Le colonel Moutarde. Un millefeuille. À vous la main, Laurent. Je tête un veau sur la corniche. Chamois d'or d'entrée, bien joué, Laurent. Jérôme, forte tenue sous l'habit à Jojo. Je tente le genre de forêt. Je contre. Non, Laurent, vous ne pouvez pas. Il y a Adamo qui regarde le vent en diagonale. Jérôme, qui a bu ? Boira. Qui habille ? Boiru. Passoire américaine pour vous. Jérôme, que faites-vous ? Bon, j'ai pas vraiment le choix. J'ai plus une merguez et je descends au barbu. 3 fois 7, Dalida. Laurent ? Je vomis un store et j'apprivoise un corner. Alerte à Malibu. Ananas pour vous deux. Jérôme, à vous. Je rote. Je contre-rote. Bien joué, Laurent. Jérôme, sauce malgache ou spermogramme ? Je gobe un pompier et... Camoulox. Bravo, bien joué Laurent, vous êtes notre finaliste. On se retrouve demain pour un nouveau Camoulox. Un petit mot avant de se quitter, messieurs. Peace. Bus. Alors maintenant, toujours en direct avec toi, après avoir découvert la formidable absurdité des tests d'évaluation inventés par Jean-Claude, il est temps dès à présent à 11h40 de retrouver notre petit reportage Made in Panic où nous allons revenir pour la seconde fois ce matin sur cet incroyable sommet du G20. Primo, rappelons ici que cette organisation de Cador fut créée en 1999, il y a 10 ans déjà pour répondre à la succession des crises financières. Néanmoins, depuis novembre 2008, depuis la grosse mouise quoi, ce ne sont plus uniquement les ministres des Finances qui se réunissent, mais les chefs d'État. Cela dit, perplexe devant le joyeux banquet des maîtres du monde réunis à Londres, notre facétieux reporter, M. Julien Dugast, a voulu en savoir un peu plus sur le bilan de ce sommet dont le monde entier se réjouit. C'est pourquoi il est allé rendre visite à M. Yves Michaud, philosophe de l'esthétique et fondateur de l'Université de tous les savoirs. Ainsi, chers amis, juste après la virgule, tentons d'y voir un peu plus clair parmi les offres exceptionnelles des têtes de gondole du G20. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup, beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite, petite fortune? Et d'abord, bien sûr, ce fameux sommet du G20, sommet des 20 pays les plus impuissants de la planète depuis hier à Londres. Le monde entier en attend un plan sérieux pour sortir de la crise et pour tenter de nettoyer l'économie mondiale. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que représente le G20? Au départ, c'est une instance de consultation mondiale qui a été créée. Cette instance, elle a été créée dans les années 90, déjà pour répondre aux problèmes de crise. Les crises du sud-est asiatique, et puis ensuite la crise de la bulle Internet, etc. Et donc maintenant, on dirait que ça est sur la voie de se transformer, compte tenu de la crise et de son importance, en une sorte d'instance de gouvernance, selon un mot que j'aime pas trop, de gouvernance mondiale. Le monde entier devient humanoïde, peuplé de créatures qui ont l'air d'humains, mais qui n'en sont plus. Je dis le monde entier, pas que nous, seulement étant le pays le plus avancé, l'Amérique est la première atteinte. Les peuples du monde entier sont fabriqués à la chaîne, programmés, numérotés et mis en fiche. Le communiqué que Nicolas Sarkozy a sorti en disant que le Tibet faisait bien partie de la Chine, on est un peu étonné quand même, et c'est passé un peu inaperçu. Moi, je dirais que face à une crise aussi globale, hein, au sens de globalisation, mondialisation, y en a qui vont faire les frais de ça. Hein, c'est certainement les Tibétains. Parce que les exigences de la politique réaliste, de la réelle politique, sont telles qu'on ne peut pas se mettre en conflit avec les Chinois. Mais qu'est-ce que c'était que cette violence? C'est pas pété un plomb, quoi? Mais oh, c'est peut-être moi qui ai traité le Dalai Lama de vieille tante. L'économie de nos pays occidentaux est-elle sauvée? Difficile de le dire aussi clairement ce soir, mais en tout cas, le sommet du G20 a permis de tirer les leçons de la crise. Les règles de la finance mondiale vont changer, la relance va s'accélérer. Après 24 heures de discussion, la satisfaction se lisait sur les visages des 20 dirigeants des pays les plus riches de la planète. Le professeur Chadoko, grand maître de la comptabilité, avait une devise: pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors, il avait inventé la comptabilité à trou noir. Le trou noir, un néant d'informations entre le Shadok fournisseur et le Shadok client. This is the day. Aujourd'hui, le monde s'est rassemblé pour lutter contre la récession. Non pas avec des paroles, mais avec un plan pour une solution globale. On risque d'abord de continuer à avoir de très mauvaises surprises. Quand vous pensez à AIG, c'est 1700 milliards de dollars encore de risques. C'est phénoménal. C'est bien plus que tous les plans qui ont été mobilisés jusqu'ici. Et d'autre part, le problème, c'est que pour remédier à ces sinistres financiers, on utilise quoi ? De l'argent prêté par les contribuables, ou de l'argent qui est emprunté. Donc d'une certaine manière, ce qu'on fait actuellement, et c'est ça qui est dramatique, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la même chose que la crise des subprimes. Parce que la crise des subprimes, ça consistait à investir de l'argent dans des trucs pourris. Bon, la philosophie c'est bien, mais rien ne vaut le terrain. Allez hop, j'ai peur de rien, je me rends carrément au G20. Bonjour. Est-ce que le patron est là, s'il vous plaît? Ah, il vient de partir. J'ai pas de chance. Bon, en fait, le patron du G20, il est trop occupé, j'ai fait chou blanc. Bon, malheureusement pour nous, ça n'a pas super marché, puisque M. Julien Dugast n'a pas pu rencontrer le patron du G20. Et pourtant, 1 000 milliards de sabords, nous aurions bien aimé savoir comment on sort du chapeau 1 000 milliards de dollars. Enfin bon, cela dit, nous avons été plus chanceux avec le sommet de l'OTAN, puisqu'en exclusivité mondiale, nous avons récupéré l'enregistrement des premières discussions strasbourgeoises et multilatérales entre Barack Obama, Gordon Brown et leur nouvel allié, M. Sarkozy, qui, une fois encore, est arrivé avec plein d'idées. Je crois qu'on a tous conscience qu'il est important de s'équiper vite et de s'équiper en masse. Parce que c'est aussi en possédant des machines comme celle-ci qu'on pourra se distinguer des pays voisins et conserver notre réputation de précurseur en matière de défense. Et vous comptez mobiliser plus de 100 mecs pour balancer péniblement 4 cailloux à l'heure? 4 cailloux? Mais ça expédie des blocs de pierre de 200 livres à 300 coudées de distance! Qu'est-ce que vous venez me parler de cailloux? Ouais, avec 2 heures de temps de chargement, il faut pas louper son coup, hein. Ah ben ça, la difficulté sur ces bécanes, c'est la visée. Voilà, faut pas compter moins de 3, 4 coups d'essai avant de trouver le bon réglage. D'accord, oui. Et combien est-ce qu'il va encore falloir casquer pour votre plaisanterie? Là, pareil. En raison du classique. La peau du fion. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais ce que tu gagnes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais ce que tu gagnes. Si tu veux qu'on te laisse de quoi vivre aisément, si tu veux que ta vieillesse garde un goût de printemps, sois celui qui déclare, mais fais bien attention de te montrer avare dans tes révélations. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais ce que tu gagnes. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais que tu gagnes. Si tu tiens à défendre ton bonheur, ton confort, si tu tiens à entendre l'écho de tes efforts, dis-toi que l'on ne cueille que les fruits que l'on voit, et commence ta feuille, mais ne la finis pas. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais ce que tu gagnes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais. N'avoue jamais que tu gagnes. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. N'avoue jamais ce que tu gagnes. N'avoue jamais. C'était Suzanne Gabriello en 1965 qui se mettait Guy Martel en tête. Dans la situation où se trouve l'économie, je n'accepterai pas des hausses d'impôts et des taxes qui réduiraient le pouvoir d'achat des Français, car notre objectif, c'est de leur rendre du pouvoir d'achat et non de leur en prendre. Oui, sauf qu'il y a le bouclier fiscal. Alors maintenant, à 11h49, nous accueillons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit afin de compléter au mieux notre petit tour d'horizon déjanté de l'actualité. Ainsi, la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Alors, comme tout palace qui se respecte, le Mangin Palace, bien sûr, dispose d'un petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Et afin de ne rien oublier d'essentiel, Monsieur Mauduit, ici présent, s'est chargé pour nous de feuilleter la presse. Bonjour Mauduit. Salut Colin. Alors, que dit la presse cette semaine, camarade ? Pff, elle en dit des choses. Eh bien, la presse cette semaine souligne surtout qu'il est capital d'aller à l'essentiel. Mm-hmm. Par exemple, le quotidien El Nacional de Caracas, au Venezuela, nous raconte dans son édition du 2 avril que Miss Univers est justement passée à côté de l'essentiel. Excusez-moi, Philippe. J'entends Flavio de Strasbourg qui se gausse à côté de son poste. Oui, parce que je rappelle à tous nos auditeurs que nous entendons ce que vous dites à côté de votre transistor. C'est vrai. Et oui, nous vous avons en retour dans le casque. Alors, Flavio... Non, Flavio, Miss Univers n'est pas Barack Obama. C'est fatigant, non. Miss Univers, c'est Diana Mendoza, 22 ans, venue tout droit de Caracas, qui cette semaine a raconté sur son blog son super séjour à Cuba. Alors elle explique qu'elle a vécu une expérience incroyable sur les côtes cubaines, elle voulait plus partir, c'était beau, calme, très excitant, relaxant, merveilleux. Bon, son petit séjour c'était à Guantanamo, parce que la Miss s'était rendue là-bas pour soutenir le moral des troupes américaines. Ouais, elle a trouvé ça très intéressant, elle a visité la prison, elle a vu les cellules, les douches, elle a rencontré les chiens militaires qui lui ont fait une grande impression, et donc elle a trouvé ça très calme, très beau et très relaxant. Un vrai paradis, quoi. Donc comme quoi, Guantanamo, c'est comme pour le G20 avec les paradis fiscaux. On n'y voit que ce qu'on veut y voir. Voilà, donc pour Guantanamo, le mieux, je pense que c'est demander son avis aux détenus que la France va accueillir. Ben, bientôt, il y en a un qui va arriver. Hein. C'est suite à la décision de Barack Obama de fermer cette zone de non-droit. Donc l'Express nous donne l'info cette semaine. Mais moi, je me demande si venir en prison, c'est vraiment un cadeau hein, dans les prisons françaises, parce ça, que c'est sûr. Cette semaine, on a appris qu'il y avait eu lieu le 39e suicide dans nos prisons. 39e depuis le début de l'année. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que si on continue sur ce rythme, ça va nous faire une augmentation de 30% par rapport à 2008. Mmh. Ce qui est quand même énorme et scandaleux. Bon, il y a peut-être aussi des raisons qui nous échappent. Il y a peut-être ça. Je sais pas, moi, la France veut sans doute entrer dans le Guinness des records monstrueux. Ou alors, il y a peut-être une autre possibilité, c'est qu'on essaie d'adapter notre politique pénitentiaire pour nous rapprocher de la dictature chinoise dans ce grand mouvement de rapprochement. Ouais, on est bien parti là. Ah, mais, oui. Hein, c'est bon, bien. En tout cas, c'est réellement inquiétant. Mais La Provence, le quotidien La Provence de jeudi dernier, nous raconte qu'un détenu a échappé à l'horreur de la prison puisqu'il a réussi à s'évader. Bon, il y a un an, mais il est toujours en cavale d'ailleurs. Et cette semaine, le tribunal de Draguignan vient de le condamner, par défaut évidemment, à 2 ans de prison. Alors s'évader, c'est mal, mais surtout comment a-t-il fait ? Eh bien en mars 2008, à la suite de menaces et d'insultes, ce détenu a été placé en garde à vue au commissariat de police. Et là, il a prétexté des petits problèmes intestinaux, il a demandé à aller aux toilettes et il a piqué la balayette. Alors de retour dans sa cellule, il a réussi, en passant son bras par le passe-plat, à faire jouer le verrou extérieur avec... La balayette. Il a ouvert la porte et il s'est enfui. Ah ben, hein, voilà, c'est notre prison break à nous. On a les Michael Scofield qu'on peut. Hein. C'est pas évident. Bon, alors justement, restons dans le registre de la balayette et passons au goupillon, puisque le Corriere della Sera de mercredi nous apprend que Jean-Paul II vient de faire un nouveau miracle. J'aime bien quand on parle du pape, ouais. Enfin, ou d'ancien pape, mais j'adore ça. C'est l'ancien, oui. Mais il est formidable. Hein. Un nouveau miracle. Un gamin de 9 ans, malade. Il est rentré dans la basilique Saint-Pierre en fauteuil roulant. Il passe devant la tombe de Jean-Paul et il ressort en marchant. Et à Cleveland, pareil, hein, un type a été guéri par Jean-Paul II, comme quoi, Polo, c'est une valeur sûre. Excusez-moi, une autre marque de Gwendoline de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui s'étonne que la crise touche aussi le Vatican. Ah oui, parce que Jean-Paul II guérit des gens alors que son successeur aurait plutôt tendance à faire l'inverse. Nous notons, Gwendoline, nous notons, vous allez encore nous en échauffer plus d'un. Ah oui. Ah oui, justement, en parlant d'échauffement et de fièvre, je me suis passionné cette semaine pour le journal L'Asmat, le mensuel d'information professionnelle des assistantes maternelles et des familles d'accueil, qui, dans son numéro d'avril, se propose d'aider le gouvernement. Ah. Oui, alors bien sûr, l'Asmat n'est pas connu, même pas connu du tout d'ailleurs, pour être une gazette à message politique. Alors ils sont obligés de faire dans le subtil hein, pour prévenir le gouvernement d'une possible fièvre du corps social. Mmh. Ainsi, page 11, on trouve une fiche technique intitulée « Conduite en cas de fièvre ». On y apprend que tout va bien pour le corps grâce à un système de régulation. Bon là, on l'a constaté, la régulation est par à volo, hein, des millions pour les patrons qui ont poussé le système au blocage. Mais l'Asmat nous apprend que lorsque la fièvre se situe entre 37,5 degrés et 38 degrés, on parle de fébricule. Ah, un auditeur encore à côté de son transistor qui vient de dire